Conte de fées en français. La princesse rayonnante. Il y a très très longtemps vivait un roi qui tomba très malade à cause d'un sort maléfique. Il n'y avait qu'une chose qui pouvait le sauver. Comment va-t-il? C'est un sort très fort et il n'y a qu'un seul remède pour cet enchantement. Mais c'est très très très difficile à trouver. Dites-moi ce que c'est, docteur. J'irai au bout du monde pour le trouver. On a besoin de l'argile du terrier d'un lièvre. Le terrier doit avoir au moins 10 ans et on doit voir la terre dans les 3 jours. Je vais trouver un terrier. Mais comment saurais-je quel âge il a? Eh bien, vous n'aurez qu'à prendre le risque. Le prince partit dans la forêt pour trouver un terrier de lièvre. Il voyagea longtemps et durement, mais pas un seul lièvre était visible à l'horizon. Mais tout à coup, un lièvre traversa son chemin. Le prince sauta du cheval pour garder le lièvre en vue et courut derrière lui. Il courut derrière lui et entra dans une grotte qui appartenait à un géant maléfique. Le géant vit le prince. Eh bien, qui avons-nous ici? Un prince? C'est ça? Comment oses-tu entrer dans ma grotte? J'ai besoin du sol du terrier d'un lièvre. S'il vous plaît, laissez-moi l'avoir. La vie de mon père en dépend. Je reviendrai et tu pourras me punir autant que tu voudras. Tu devras prendre un risque. S'il te plaît, laisse-moi chasser le lièvre. Suis-je donc idiot de te laisser partir? Tu iras nulle part. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Pendant 2 jours et 2 nuits, le prince resta dans la boîte. Il fit de son mieux pour en sortir, mais il ne réussit pas. Il était malade d'inquiétude pour son cher père. La 2e nuit, la boîte fut soudainement ouverte. Le prince se dirigea vers la lumière et vit une jeune fille, la dame la plus sublime qui existe au monde. Je suis le lièvre que tu as suivi l'autre jour. Le géant m'a enchantée de telle sorte que je suis un lièvre le jour et je retrouve ma vraie forme la nuit. Le géant est sorti. Enfuis-toi avant qu'il ne revienne et emporte de la terre du terrier de 10 ans pour ton père. Vas-y, maintenant! Merci beaucoup, princesse. Dis-moi, comment puis-je t'aider? Quand votre père ira bien, évadez-vous d'ici de temps en temps. Sortez et errez dans le monde. Vous finirez par trouver un moyen de m'aider. Partez, maintenant! Le prince fit ce qu'on lui dit. Il rentra au palais et sauva la vie de son père. Puis, comme la princesse l'avait dit, il décida de découvrir le monde. Père, maintenant que vous allez bien, il y a une promesse que je dois tenir. Je comprends, mon fils. La princesse m'a sauvé la vie. Je te permets de faire tout ce que tu veux pour l'aider. Je dois errer dans le monde, mais je ne le ferai pas en tant que prince. Je pense que je vais le faire comme un jeune ordinaire et voir quel métier je peux apprendre. Très bien, tu es un bon fils, mais reviens bientôt. Ainsi, le prince quitta le palais comme un garçon ordinaire. Il voyagea loin quand, une nuit, il rencontra un pêcheur dans une auberge. Bonjour, jeune homme! Je ne t'ai jamais vu ici. Tu es nouveau? Oui, je suis à la recherche d'un métier pour apprendre. Alors, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? J'ai besoin d'aide et de mains fortes comme la tienne. Tu veux donc devenir pêcheur? Oui, eh bien pourquoi pas? Alors, le prince partit avec le pêcheur et apprit le travail de la pêche. Le prince travailla si dur que le pêcheur en était heureux. Quand vint le temps pour le prince de passer à autre chose, le pêcheur lui donna un filet. Ce filet m'a été donné par un magicien. Aucun poisson au monde n'est assez fort pour le briser. Prends ça avec toi. Ah, merci beaucoup. Et donc, le prince passa à autre chose. Quand il avait faim, il pêchait. Quand il avait besoin d'argent, il vendait du poisson et ainsi, il continua à errer jusqu'à ce qu'il atteigne finalement un nouveau royaume dont le palais brillait de 1000 lumières la nuit. Il questionna un passant à ce sujet. « Monsieur, je suis nouveau ici. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi le palais est décoré ainsi. Y a-t-il une occasion spéciale ce soir ?»« Oh, le palais est décoré comme ça tous les soirs. » Le roi célèbre la beauté de notre princesse dont il est fier. Et le roi met tout le monde au défi de lui parler d'une dame plus belle que sa propre fille. Personne n'a jamais trouvé une femme qui rivaliserait de beauté et serait plus magnifique que notre princesse. Mais pourquoi insister seulement sur sa beauté? C'est juste la fierté d'un père. Notre princesse a bien d'autres atouts comme les sports et les arts. Mais elle souhaite secrètement que quelqu'un lui trouve une femme qui brillerait plus qu'elle pour que son père termine cette célébration. Elle trouve ça très embarrassant. Peut-être que je peux aider la princesse. Alors, le prince est allé à la cour du roi. Votre Altesse, je connais une jeune fille aussi rayonnante que le soleil lui-même. Vous, un pêcheur ordinaire, connaissez-vous une jeune fille aussi rayonnante que le soleil? Oui. Très bien, je vous donne une semaine. Qu'elle vienne donc au palais. Votre Altesse, je ne suis pas d'accord qu'une simple dame vienne prouver sa beauté. Si je l'amène ici dans l'intérêt de votre princesse, alors promettez-moi que vous la recevrez dignement comme une invitée royale. Je vous donne ma parole. Mais attention à vous, si vous ne l'amenez pas ici, vous serez puni. Je suis d'accord. Alors, le prince retourna dans la forêt de son royaume et trouva son chemin vers la grotte du géant. Mais, malgré ses efforts, il ne pouvait pas en trouver l'entrée, car elle était inondée tout autour et il était impossible de passer. Le prince décida de plonger dans l'eau quand il entendit un appel. Prince, attendez! Qui es-tu? Je suis la marraine de la princesse. Je sais que vous êtes le prince dont elle m'avait parlé. Comment m'avez-vous reconnu dans l'habit d'un pêcheur? Elle m'a dit que tu avais des yeux souriants. Où est-elle? Après qu'elle t'ait laissé sortir, le géant s'est tellement fâché contre elle qu'il l'a aussi enfermée dans la même boîte où il t'avait emprisonnée. Et quand elle est en lièvre, elle ne peut pas sortir de la grotte, car il l'a provoqué cette inondation. Donc, elle doit rester dans la boîte. L'eau à l'intérieur est gardée par un énorme poisson sauvage. Je sais comment entrer dans la grotte à partir du terrier qu'elle avait fait, mais nous ne pouvons pas sortir de la même façon. Ne t'inquiète pas. Va dans la grotte et allonge-toi dans la même boîte qu'elle. La boîte est en bois, donc elle se mettra à flotter. Je suis un bon nageur. Je pourrais t'en sortir. Mais qu'en est-il du poisson? J'ai un filet qu'aucun poisson assez fort ne pourra briser. Ne t'inquiète pas à ce sujet. Va voir la princesse maintenant. Alors, la vieille femme entra dans la grotte par le terrier et se glissa dans la boîte en bois avec la princesse. Le prince jeta un filet dans ce déluge et le poisson fut capturé. Le prince nagea dans la grotte et sortit la boîte. Bientôt, ils furent loin dans la forêt. Oh, prince, vous m'avez sauvé. Je vous remercie. Mais il y a une faveur que je dois vous demander. Oui? Le prince raconta à la princesse et à sa mère le souhait du roi et de sa fille. Je ne vous aurais jamais demandé de m'accompagner là-bas. mais je vois que la princesse elle-même est fatiguée de se vanter de sa beauté. Elle souhaite tellement que quelqu'un de plus magnifique vienne au royaume pour que cette situation prenne fin une fois pour toutes. Je comprends et je vous accompagnerai, bien sûr. Il est bon que le roi organise les festivités dès la nuit tombée. J'y serai moi-même. Mais comment briser à jamais l'enchantement que le géant a jeté sur vous? Il ne peut être brisé que si je marche à travers une brume d'or. Alors, ils se rendirent au royaume. Mais quand ils atteignirent le palais, le prince fit une étrange demande. Il eut une boîte en bois et demanda à la princesse de s'allonger à l'intérieur. Puis, il la porta au palais. Mais où est donc la jeune fille dont vous dites qu'elle est plus belle que ma fille? Votre Altesse, elle est dans la boîte. C'est une blague. La magnifique jeune fille est dans une boîte. Je ne trouve pas ça amusant, jeune homme. Donnez-moi juste un peu de temps, Votre Altesse. La trésorerie, peut-elle me donner de la poussière d'or? Je vous assure que vous pourrez me punir autant que vous voudrez. Mais jusque-là, restez avec moi pendant quelques minutes. Très bien. Donnez-lui un baril de poussière d'or. La poussière doit être mise dans des tuyaux pour être soufflée de telle sorte qu'elle s'élève comme une brume dorée. Votre Altesse, il nous fait perdre notre temps. Si c'est ainsi, il payera pour tout cela. Pour l'instant, faisons confiance à ce qu'il dit. Ainsi, la poussière d'or remplit les tuyaux et des centaines de gardes furent postés pour souffler dedans, de sorte que la poussière s'élève comme une épaisse brume dorée. Quand la brume fut assez épaisse, la marraine ouvrit la boîte et la princesse se leva. Elle sortit de la brume dorée et son enchantement fut enfin brisé. Toute la cour fut complètement hypnotisée par son immense beauté. Madame, vous êtes en effet la femme la plus brillante du monde. Voyez, père, s'il vous plaît, arrêtez de vous extasier sur ma beauté auprès de tout le monde. Épargnez-moi cet embarras quotidien. J'ai bien plus en moi qu'une simple beauté. Je suis désolé, ma chère pêcheur. Comment as-tu fait? Le prince raconta tout au roi de lui-même et de la princesse. Le roi s'arrangea pour qu'ils retournent au royaume, où ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Le géant ne les a plus jamais dérangés, mais eux aussi prirent soin de ne plus jamais s'aventurer près de sa grotte. Et le roi comprit enfin que la beauté n'est pas tout.